explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ? Vous croyez que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Ce ne sont pas les espèces les plus aimées du règne animal. Gélatineuses, urticantes, envahissantes, les méduses ne sont pas franchement les meilleures compagnes de baignade. Mais elles méritent tout de même que l'on s'y intéresse. Pour les biologistes marins, ces bêtes sont fascinantes à plus d'un titre. Elles sont plus complexes qu'on ne le pense, particulièrement robustes. Elles font preuve d'une immense capacité d'adaptation. Apparues sur Terre il y a 650 millions d'années, elles ont survécu à toutes les grandes crises d'extinction depuis. Et nos excès en tout genre sur pêche, pollution, changement climatique ne semblent pas les affecter outre mesure. Au contraire, certains prévoient une gélification des océans dans les décennies à venir, comprenant une disparition des poissons et une prolifération de ces espèces gélatineuses. Alors pour en savoir plus, oublions nos appréhensions et partons bivouaquer au milieu des méduses. J'avais encore jamais vu autant de méduses lumineuses de toute ma vie. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Guillaume Éveillard. Bonjour. Biologiste marin à l'aquarium de La Rochelle, où vous venez d'arriver hein, tout récemment. Vous avez été pendant 14 ans, le conservateur de l'aquarium du Trocadéro à Paris, qui a récemment ouvert son médusarium. Et vous avez participé à la mise en place de ce nouvel espace entièrement consacré aux méduses, animaux auxquels vous vouez une véritable passion. Vous allez nous dire pourquoi elles vous fascinent tellement. Nous sommes en direct et les auditeurs peuvent vous adresser une question sur la page de l'émission, sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. À 17h, nous verrons comment les explorateurs et autres adeptes des sports extrêmes font pour surmonter leurs peurs, avec comme invité Gérard Guerrier, qui publie aux éditions Guérin « Éloge de la peur ». Voilà pour la feuille de navigation du jour. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier, elle a été préparée par Sophie Vaux et Mathieu Aoued. Elles ne piquent pas du tout. Quand on les touche, elles sont douces, gélatineuses. C'est bizarre, drôle de texture, c'est dégoûtant. Au fil du temps, les méduses ont perdu leur pouvoir urticant. Elles sont au sommet de la chaîne, elles n'ont plus de prédateurs, ce sont les reines du lac, elles n'ont plus besoin de piquer qui que ce soit. Incroyable. C'est dingue. Allez où que ce soit, ici, là-bas, partout, il y a 3 ou 4 méduses sur vous. C'est très étonnant. Autour de vous, dessus, dessous, elles sont partout, à 360 degrés. Surtout, ne nagez pas avec des palmes, ça pourrait tuer les méduses. Et n'utilisez pas de crème solaire, ça peut contaminer l'eau. Ah, il y a une méduse ici. Ah, ici aussi. Ici, j'en vois une. On se met à l'eau ? Qui y va en premier ? Eh oui, pas facile de se mettre à l'eau lorsqu'il y a des méduses, même si on sait que celles-ci sont inoffensives. Nous étions en Indonésie, dans un endroit un peu particulier, où l'on peut nager donc avec des méduses. C'était sur l'île de Kakaban. Il y a plusieurs endroits comme ça, ce sont des lacs, hein, on n'est pas en pleine mer. Plusieurs endroits où l'on peut nager avec des méduses inoffensives en Indonésie. Guillaume Éveillard. Oui, effectivement, on en trouve aussi au large des Philippines, donc dans l'archipel de Palau. C'est un archipel très connu pour ses méduses et il y a beaucoup de lacs salés dans lesquels jusqu'à 2 millions de méduses vivent. Mmh. Et donc cette espèce de méduse que j'ai d'ailleurs apportée aujourd'hui sur le plateau. Oui, c'est vrai. Alors vous avez une colonne d'eau où l'on voit des petites méduses. Elles sont très mignonnes. Elles font 4-5 cm de haut, pas plus. Elles sont marron tachetées de blanc et elles évoluent comme ça avec leur petit chapeau. On les voit qui flottent et qui nagent dans cette colonne d'eau que vous avez apportée. Oui, on l'appelle la méduse à pois blancs. Comme des petits pois blancs sur l'ombrelle. C'est une méduse qui est très active, donc on peut la laisser comme ça dans un tube fermé, on peut la garder plusieurs heures. Et c'est une méduse qui ne pique pas. C'est la seule espèce de méduse au monde qui ne pique pas. C'est-à-dire qu'on peut la caresser. Alors, elle ne pique pas. Nous ne sommes pas sensibles à ses piqûres, ou elle ne pique personne. Elle n'a aucun venin pour aucune espèce sur Terre. Celle-ci ne pique pas parce que elle est dans des lacs dans lesquels il n'y a pas de prédateurs. Donc, en fait, elle a perdu son venin. Et elle se nourrit d'une symbiose qu'elle a avec des zooxanthelles. Donc, ce sont des petites algues microscopiques marron. D'ailleurs, c'est ce qui donne la couleur marron à cette méduse. Et ce sont les zooxanthelles qui donc se nourrissent de soleil, hein, d'énergie lumineuse, qui produisent des nutriments pour la méduse. Et donc, la méduse se nourrit en gros de cette symbiose avec les algues. Alors, un de vos plus beaux souvenirs de plongée, c'est précisément dans un lac, pas un lac en Indonésie, mais un lac où vous êtes tombé nez à nez avec des méduses. C'était où ? Oui, c'était à Aiguzon, dans la Creuse. Donc, c'était une carrière dans laquelle, auparavant, il y avait des arbres, donc qui étaient engloutis. Donc, c'était un super souvenir parce qu'en fait, je suis parti le matin très tôt et il n'y avait pas encore de plongeurs. Donc, l'eau était cristalline. Et je me suis retrouvé en plongée entre ces arbres. Bon, déjà, c'est assez particulier de plonger au milieu des arbres. Et puis, il y avait comme une neige de gros flocons. En fait, il s'agissait de méduses qui mesurent 2 cm, qui sont blanches et que l'on trouve en eau douce. Donc, ce sont des méduses qu'on appelle Craspedacusta sauverbi. Elles ont un nom un petit peu compliqué. Mais elles sont présentes partout dans le monde. Il n'existe qu'une espèce de méduse d'eau douce au monde et elle est présente partout. Et en plus, cette méduse a une particularité, c'est qu'elle mange les larves de moustiques. Donc, on a même pensé l'introduire dans différents endroits en Afrique infestés par les moustiques. Donc voilà, c'est une méduse très sympathique et faiblement urticante. Et quand je plongeais avec, j'avais vraiment l'impression d'être dans le film Avatar. Il y a une scène dans ce film où on voit des méduses comme ça qui volent à travers les arbres de la forêt. Bon, c'était un peu cette vision-là. Ouais, alors, celle-ci pique un petit peu, mais légèrement. Alors, il faut choisir entre le moustique qui pique et qui transmet certaines maladies, la méduse qui pique légèrement, voilà, entre deux mots il faut choisir. Est-ce qu'il existe des méduses mortelles dans les océans ? Quittons les lacs un petit peu, allons en pleine mer, est-ce qu'il existe des méduses dont le venin est mortel ? Oui, il existe des méduses mortelles, notamment en Australie, c'est là où il y en a le plus. Donc ce sont des méduses cubiques, que l'on appelle des cuboméduses. Donc, elles cubiques parce qu'elles sont vraiment cubiques ? Complètement. C'est des méduses, la plupart des méduses ont une ombrelle sphérique, et bien celles-ci ont une ombrelle cubique. Elles font partie des cuboméduses. Et alors l'espèce la plus dangereuse et la plus connue, c'est celle qu'on appelle Chironex. Son petit nom, c'est la main qui tue, parce qu'elle a la taille d'une main. En gros, elle mesure 20 cm à peine. Par contre, elle a des tentacules qui peuvent faire jusqu'à 1 mètre de long, 2 mètres de long même. Et c'est une méduse qui provoque des paralysies cardiaques. Presque instantanément, en 1 à 2 minutes, on peut mourir. Et aussi respiratoire. Donc, bon, quand on se baigne et qu'on a comme ça une paralysie cardiaque et respiratoire, eh bien, malheureusement, on risque de mourir. Donc, c'est une espèce très dangereuse. Il n'y a aucun antidote si on arrive à sortir de l'eau la personne qui est en train de faire cet arrêt cardiaque ? Alors, on doit être réanimé instantanément par massage cardiaque. Donc, okay. il faut sauver la victime, sortir de l'eau. Donc, le meilleur antidote, en fait, c'est le filet. Les zones de baignade dans lesquelles il y a ces méduses sont protégées par des filets. Ouais. Et puis de savoir les reconnaître aussi. Hein. Donc, on se méfie une méduse qui a une forme cubique, a priori. C'est une méduse qui peut être dangereuse. Il en existe de différentes sortes. Hein. Beaucoup d'espèces qui vivent, qui colonisent différents types d'océans et différentes profondeurs aussi. On trouve des méduses dans les grandes profondeurs de l'océan. Oui, il y a des méduses très profondes. Alors, il y en a une qui s'appelle Periphilia periphilia, qui a déjà un très joli nom. Ouais. Et elle est belle, elle est rouge, elle vit jusqu'à 3000 mètres de profondeur. On la trouve dans les fjords norvégiens. Et ma compagne a eu l'occasion d'en voir, parce qu'elle aime aussi les méduses et les animaux marins. Donc, elle était sur un bateau océanographique pour pêcher ces méduses. Et elle m'a décrit ça comme parce qu'elle en a pris une dans sa main. C'est des méduses faiblement urticantes. Et elle m'a dit, ça fait comme un petit cœur qui bat. D'accord. Alors, faiblement urticante, ça veut dire qu'on peut la prendre et ça fait quoi? Comme une sensation d'ortie ou alors, même pas plus? Avec des gants, oui, on peut la prendre. Si on met pas de gants, ça pique, mais toujours mettre des gants. D'accord. De toute façon, toujours mettre des gants. La méduse la plus grande du monde, qu'on se figure un peu la taille que peut atteindre ce type d'animal sans squelette, hein, complètement gélatineux. Alors, la méduse la plus grosse, c'est la méduse de Nomura que l'on trouve au Japon, qui peut peser jusqu'à 200 kilos, ah oui. Mesurer 2 mètres de diamètre. Et c'est une méduse qui a été responsable du naufrage d'un chalutier en 2009 au Japon, parce qu'en fait, donc c'est un chalutier de pêche qui a pêché beaucoup de méduses par inadvertance, Et le chalutier s'est rempli de ces méduses. Et le chalut donc était plein de méduses et a coulé le navire. Mmh. Bon, alors on le voit, elles sont très diversifiées, elles sont pleines de ressources parfois à nos dépens. Quand sont-elles apparues sur Terre? Je disais en introduction, 650 millions d'années. Comment on le sait puisqu'elles n'ont pas de squelette? Ça laisse quand même des traces? On a des fossiles de ces animaux? Oui, bien sûr, on a retrouvé des fossiles de méduses. Donc, vous savez, quand les méduses s'échouent sur les plages, eh bien, elles laissent une trace. Et quand c'est sur un sol argileux, eh bien, ensuite, ça laisse des fossiles. Donc, on sait que les méduses sont apparues il y a très longtemps. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elles ont survécu aux 5 extinctions massives. Et puis, peut-être que même elles survivront à la 6e, puisqu'on parle actuellement de l'Anthropocène. Donc les méduses ont survécu à l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années par exemple, donc elles ont beau être fragiles finalement, oui. Elles sont plus résistantes que les dinosaures. Elles ne le sont pas tant que ça, fragiles ces méduses. Qu'est-ce qui explique justement cette robustesse, cette capacité d'adaptation et à survivre là où bien des espèces sont mortes? Eh bien ça s'explique par leur méthode de reproduction. Les méduses ont deux cycles dans leur vie, elles ont deux stades. Il y a un stade que tout le monde connaît qui est le stade sexué, donc avec des méduses adultes, mâles et femelles. Et puis, il y en a un autre qui est moins connu puisqu'il est caché. Il s'agit du stade polype. Donc les polypes sont comme des toutes petites anémones c'est blanc, ça mesure à peu près 2 mm. Et ça vit au fond de la mer. Donc ça c'est fixe, hein. C'est fixe. C'est pas quelque chose qui se balade sur pattes. C'est comme une sorte de petit, comme une anémone, de petite plante, quoi. Voilà, une petite. Voilà. Sauf que c'est un animal. C'est un animal carnivore, tout à fait. Ça se nourrit de zooplancton. Et ce qui est incroyable, c'est que les méduses, donc mâles et femelles, pondent des œufs pour les femelles, enfin des ovules, et puis pour les mâles des spermatozoïdes, ça forme un œuf. Parfois, donc c'est même récupéré par la femelle qui incube ses œufs. Et à l'issue de cet œuf, se développe une larve. Qui est en pleine eau, qui se déplace et ensuite qui va se poser au fond et ne deviendra pas une méduse, elle deviendra ce polype. Mmh. Ensuite, les polypes donc sont capables de se multiplier. Soit ils bourgeonnent, soit ils font des stolons, un peu comme les plantes. Ils peuvent aussi former des podocystes. Enfin, il y a beaucoup de façons pour les polypes de se reproduire de façon asexuelle, donc ils se clonent. Et quand il y a des changements de température, donc sous nos latitudes, ça intervient à la fin de l'hiver, il y a un refroidissement donc qui amène à la strobilation des méduses. Mmh. Et donc c'est les polypes qui vont se diviser et qui vont donner naissance à des bébés méduses. Mmh. Alors voilà. La strobilation, si j'essaye d'employer une image, c'est une sorte de pile d'assiettes. Et tout d'un coup, les assiettes, c'est les méduses, elles se décollent les unes les autres. Et puis on a comme ça, du polype, plusieurs méduses qui émergent. Exactement, un polype peut produire jusqu'à 10 à 15 méduses. Et ces méduses donc grandissent au printemps quand il y a un bloom phytoplanctonique, parce qu'il y a un ensoleillement important, donc il y a beaucoup de phytoplancton, ensuite le zooplancton arrive, hein, c'est toute la chaîne alimentaire, et les méduses se nourrissent de ce zooplancton pour grandir au printemps, et elles sont adultes en été, malheureusement pour les baigneurs, parce que c'est à ce moment-là qu'on va se baigner aussi. Et, oui, et c'est à ce moment-là qu'elles viennent perturber les baignades estivales, et notamment une espèce en particulier sur la Côte d'Azur. La Pelagia noctiluca, la terreur des plages. Pour la maintenir hors de portée des baigneurs, certaines municipalités ont installé un filet anti-méduse. C'est le cas ici sur la plage Marquée à Cap d'Ail. Les méduses ne peuvent pas passer par-dessus, elles ne peuvent pas passer par-dessous parce que c'est lesté, il n'y a pas de problème. Elles sont vérifiées chaque matin par les maîtres nageurs et les maîtres, les CRS qui sont là. Donc, sécurité totale pour la journée. Les enfants, ils ont peur de se baigner dans la mer, donc le fait qu'il y ait filet à méduse, ça les sécurise, donc c'est bien. L'autre fois, il y avait énormément de méduses, tout le monde se faisait piquer. Et ils étaient décrochés à cause de l'eau très agitée, la tempête qu'il y avait eu. Donc ça ne servait strictement à rien. Et en plus, cette méduse est particulièrement urticante pour le coup, Guillaume Éveillard. Oui. Moi-même, je m'étais fait piquer quand j'étais plus jeune. Ça fait horriblement mal. Hein. On a l'impression d'avoir un coup de fouet un peu. Donc moi, ça m'est arrivé sur la cuisse. C'est très douloureux, ça dure plusieurs heures, jusqu'à 3-4 heures, et puis ça laisse une brûlure, une marque rouge. Donc voilà, cette méduse s'appelle le piqueur mauve, une méduse qu'on appelle aussi la Pelagia, qu'on trouve en Méditerranée, qui est très répandue. Alors c'est une espèce c'est la seule espèce qui n'a pas de polype d'ailleurs, hein, parce qu'on parlait de reproduction tout à l'heure, c'est encore une exception. Donc ces méduses pondent des œufs qui se transforment en méduses. Et c'est une espèce qui avant apparaissait tous les 12 ans, donc une fois tous les 12 ans seulement. C'est Jacqueline Goy, une spécialiste des méduses, qui a découvert ça. Mmh. Aujourd'hui, elle apparaît tous les ans. Alors, qu'est-ce qui explique cette accélération du cycle de cette méduse? Eh bien, c'est à cause des hommes, malheureusement. C'est les hommes qui s'en plaignent, mais ceux qui sont responsables aussi de ça. Donc c'est notamment le réchauffement climatique, la surpêche et la pollution. Qui explique que maintenant ces méduses reviennent chaque année. Alors on entendait dans l'extrait de reportage les filets de protection. Il y a d'autres techniques mises en œuvre. On utilise parfois des bateaux qui hachent menu les méduses. Tout ça, ça marche ou c'est un peu dérisoire par rapport à ces invasions de méduses? Alors les filets marchent très bien, on peut délimiter des zones de baignade grâce à des filets qui empêchent les méduses de passer. La technique effectivement des hachoirs, c'était une fausse bonne idée parce que ça a conduit à la multiplication des méduses. Parce que justement quand on les hache menus, eh bien on libère leurs gamètes, donc les ovules et les spermatozoïdes, ensuite ça féconde ça dans l'eau et puis on se retrouve avec encore plus de polypes et encore plus de méduses. Tout le paradoxe c'est que ces méduses qui peuvent proliférer en conditions naturelles sont difficiles à élever en aquarium. Vous avez créé un grand médusarium à l'aquarium du Trocadéro à Paris, mais pour ce faire vous avez dû vous rendre au Japon pour observer le savoir-faire des Japonais en la matière. Vous allez nous raconter tout ça dans un instant et les questions des auditeurs arrivent sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Underneath the mango tree, honey, honey, don't watch for the moon. Underneath the mango tree, honey, honey, make all the loops soon. C'était Undermiss, The Mango Tree sur France Inter. C'était si belle. Celle-ci, c'est la méduse œuf au plat. C'est l'une de mes préférées. En mer, elle peut être grosse comme ça. Elle peut faire 3 mètres de long. La raison pour laquelle j'aime cette méduse, c'est qu'elle est au sommet de la chaîne alimentaire. La méduse œuf au plat mange toutes les autres méduses. Celle-ci est appelée ortie de mer du Pacifique. C'est une méduse très répandue ici, dans la baie de Monterey, surtout à l'automne. Si elles étaient des pierres et que l'on pouvait marcher sur elles, on pourrait aller jusqu'à Santa Cruz, à 35 km d'ici. Ça vous donne une idée de leur grand nombre. La plupart des gens voient les méduses comme une nuisance. Je ne veux pas que l'on ait peur d'elles, car ce sont des animaux magnifiques qui ont leur rôle dans l'écosystème. Non seulement elles mangent plein de choses, mais elles sont une source de nourriture pour les autres. Les poissons, les tortues, les crabes. Elles sont très importantes dans l'écosystème. Nous étions à l'aquarium de Monterey. Il paraît que c'est l'un des plus beaux aquariums du monde. Vous l'avez visité, Guillaume Éveillard, cet aquarium? Oui, effectivement, pour moi, c'est vraiment le plus bel aquarium du monde. J'avais eu la chance de visiter avec mon ancien directeur de l'aquarium de Paris. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion, devant le bassin à méduses, donc c'était des chrysaora pubescens dont on parlait dans le reportage, là, juste à présent. Ce sont des méduses qui sont présentes dans la baie et qu'ils montrent aux visiteurs aussi dans un aquarium. Et avec mon ancien directeur, donc on était devant ce bassin et il m'a dit voilà ce qu'il faut faire à Paris. Voilà, c'est là où vous avez eu cette idée de faire ce médusarium que l'on peut maintenant découvrir à l'aquarium du Trocadéro. Restons encore un petit peu à Monterey parce que il y a cet aquarium et puis il y a une grande baie à Monterey dans laquelle vous avez pu plonger. Et là aussi, vous êtes tombé nez à nez avec des méduses. Alors, je ne sais pas si tous les plongeurs sont ravis quand ils tombent sur des méduses, mais vous, comme vous êtes passionné par ces animaux, c'est un souvenir impérissable. Oui, alors moi je ne m'attendais pas du tout à tomber sur des méduses. En fait, je voulais plonger dans la forêt de kelp, qui sont des algues gigantesques qui peuvent mesurer 15 mètres de haut. Et quand on plonge dans cet endroit magnifique de la baie de Monterey, on voit des loutres, on voit des otaries, donc déjà rien que ça c'est superbe. Et en plongée, effectivement, avec mon collègue de l'aquarium, on est tombé nez à nez avec ce banc de méduses, Chrysora fuscescens, qui sont les méduses dorées, qui sont très grosses. Hein. L'ombrelle peut mesurer jusqu'à 80 cm, les tentacules font jusqu'à 2 mètres de long. Elles sont très faiblement urticantes, heureusement. Ouais. Et on était littéralement envahis par ces méduses. Donc c'était magique parce que dans la forêt de kelp, on se retrouvait avec ces méduses gigantesques. C'est un spectacle inoubliable. Ouais. Alors vous êtes biologiste marin, cette passion pour les méduses, elle vous est venue justement en plongeant, en tombant parfois nez à nez, si j'ose dire, ou nez à tentacules avec elles. Ou comment vous êtes pris de passion pour ces animaux mal aimés, hein? Alors c'était à l'issue de mon stage, j'avais étudié à l'Institut National des Sciences et Techniques de la Mer à Cherbourg et j'avais fait un stage de fin d'études dans un aquarium en Sologne d'ailleurs, dans lequel ils présentaient déjà des méduses à l'époque, c'était assez rare parce que c'est des méduses qu'ils avaient récupérées de l'aquarium de Berlin. Et donc voilà, je suis tombé littéralement amoureux de ces petites bêtes. Et donc j'ai voulu continuer, quand j'ai travaillé après à l'aquarium de Vannes, j'ai rapporté des polypes, donc ce qui m'a permis d'en développer aussi à Vannes, puis ensuite à Paris, puis maintenant à La Rochelle. Oui, c'est ça. Finalement, vous n'avez pas arrêté de multiplier ces méduses partout où vous êtes passé. Et donc après avoir vu l'aquarium de Monterey, l'idée germe de faire un grand médusarium dans l'aquarium du Trocadéro à Paris. Alors là, ça n'est pas une mince affaire. D'abord, vous commencez par aller au Japon, parce que là, ils ont un savoir-faire en la matière. Ils savent comment élever ces méduses, parce que ça a des particularités. On n'élève pas en aquarium des méduses comme on le fait pour des poissons. Exactement. Alors, effectivement, au retour de ce voyage à Monterey Bay, mon ancien directeur me dit « Bon, il faut absolument faire ça. » Seulement, moi, je ne savais pas comment. Donc, on a commencé à réfléchir et puis surtout, on a voyagé. Bon. Donc, on est allé au Japon parce que on avait entendu dire que il y avait beaucoup d'aquariums à méduses là-bas. Et effectivement, au nord du Japon, dans la préfecture de Yamagata, à Tsuruoka, donc on trouve un aquarium dans lequel il y a une soixantaine de méduses présentées. Donc c'est l'aquarium qui présente le plus grand nombre de méduses au monde et le plus grand bassin à méduses d'ailleurs. Hein, c'est un bassin qui fait 5 mètres de haut dans lequel il y a 10 000 méduses. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, j'ai adoré cette visite de cet aquarium. On a discuté avec le directeur qui nous a dit « Mais aucun souci, vous venez faire un stage quand vous voulez. Mmh. » Donc 2 mois plus tard, je suis retourné au Japon faire un stage. Et puis comme ça, j'ai enchaîné les expériences une fois par an. Pendant 5 ans, je suis allé au Japon pour apprendre à élever ces méduses. Ouais, alors qu'est-ce que vous avez appris finalement? Quelles caractéristiques ça a? Quel savoir-faire ça demande de, par exemple, si je veux mettre des méduses en aquarium chez moi, c'est très compliqué hein, finalement. Oui, c'est assez difficile parce que bon, le plus gros problème pour présenter des méduses aux visiteurs, c'est le fait que les méduses sont éphémères, comme les papillons. Donc les papillons apparaissent en été, les méduses aussi. Et ensuite, elles meurent. Donc du coup, pour les présenter, il faut en reproduire. Ouais, ça n'est qu'une phase du cycle de reproduction qui est beaucoup plus complexe, hein, dont vous nous avez parlé avec ce polype, avec cette phase fixe. Et finalement, ce qu'on aime regarder en aquarium, cette phase avec un organisme qui nage, ça n'est qu'une petite phase du cycle. Oui, mais c'est aussi un avantage, c'est que En aquarium, on peut conserver les polypes dans des petites boîtes en plastique. C'est ce qu'on fait généralement en aquarium. Parce que les méduses adorent le plastique. Hein. Surtout les polypes ont une affinité pour le plastique. Ils préfèrent ça aux roches ou au bois. Et d'ailleurs, c'est ce qui conduit à des problèmes aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que les méduses prolifèrent aussi. C'est parce que comme il y a beaucoup de plastique dans les océans, les polypes se fixent sur le plastique. C'est un des rares animaux qui finalement s'accommode très bien de nos excès, de nos pollutions. Hein. Oui, trop bien même, ouais. Effectivement, parce que les méduses sont peu sensibles à la pollution. Les polypes se fixent sur le plastique. Les polypes se développent aussi et se multiplient quand l'eau est plus chaude. Mmh. Les méduses prolifèrent au printemps, quand le printemps dure plus longtemps et qu'il y a plus d'ensoleillement et que la mer est plus chaude, elles grandissent plus rapidement. Mmh. Donc tout ça fait que les méduses prolifèrent aujourd'hui. Mmh. On ajoute à ça la surpêche, donc il faut savoir que les océans sont dépeuplés de poissons actuellement. Et donc tout ça crée une pullulation de méduses. Alors allons faire un petit tour dans les coulisses du médusarium de l'aquarium du Trocadéro avec l'un de vos anciens collègues, Étienne Bourgoin. Alors ici en fait on est dans la partie quarantaine, c'est notre zone de grossissement en fait. Donc les méduses qui sont élevées dans le laboratoire arrivent ici à peu près vers 1 cm de diamètre. On les fait grossir en attendant d'avoir un bassin libre en présentation pour les mettre. Donc là, on a 5 bassins de différentes tailles avec différentes espèces. Donc 4 bassins avec des prédatrices, donc des grandes prédatrices au grand filament, et un bassin avec des plus petites méduses qu'on appelle les Phyllorhiza punctata, la méduse constellée, qui est très particulière parce qu'elle renferme des microalgues à l'intérieur de sa tête, un peu comme les coraux. Donc c'est une symbiose entre des microalgues et une méduse. Ces microalgues vont tirer profit de la méduse parce qu'elles vont avoir un lieu pour s'installer et se développer, donc l'intérieur des tissus de la méduse. Et la méduse tire profit des microalgues à l'inverse, car elle garde toutes les substances en fait produites par les microalgues pour se nourrir. Celle-ci va être urticante, mais vraiment sur les parties sensibles du corps, c'est-à-dire l'intérieur des avant-bras, mais pas la main en fait en elle-même. Voilà. Il y a très peu de risques de se faire piquer parce que la peau est dure en fait sur la main, donc les harpons ne rentrent pas à l'intérieur. Et celle-ci est vraiment très jolie de près avec ses petites massues qui sont colorées un peu en bleu là. On va partir sur le fond. Extrait d'un reportage de la méthode scientifique diffusé sur France Culture. Alors voilà, là on est vraiment dans les coulisses, c'est-à-dire qu'il y a un laboratoire, hein, ce que disait Étienne Bourgoin, ou une sorte de pouponnière à méduses, pour pouvoir ensuite présenter la forme qui nage des méduses au grand public. C'est ça. Dans le laboratoire, effectivement, il y a donc des polypes. Il y a 45 espèces de polypes. Et quand on veut les faire troublier pour avoir des jeunes méduses, eh bien on change la température. On fait des variations de 5 degrés, plus 5 degrés ou moins 5 degrés. Et ça favorise donc la naissance des jeunes méduses, qui sont ensuite élevées dans des petits bassins de 8 litres d'eau. Et elles sont pipetées à la main, donc c'est beaucoup de travail, hein, on change l'eau régulièrement. On s'occupe beaucoup des jeunes méduses, ouais, jusqu'à ce qu'elles arrivent au stade où on peut les présenter au public. Il y a des risques, vous dites, elles sont pipetées à la main, vous êtes au contact de toutes ces méduses, certaines sont urticantes, certaines plus que d'autres. En plus, avec les méduses, plus on se fait piquer et plus on risque de réagir fort, hein, d'avoir un choc anaphylactique. Alors, est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il y a des mesures de précaution à prendre particulières? Oui, il y a deux risques principaux. Le premier, effectivement, c'est de se faire piquer. Donc, pour éviter ça, on met des gants toujours. Alors, on a même trouvé des gants spéciaux qu'on appelle les gants d'exploration, qui sont utilisés par les vétérinaires lorsqu'ils aident les vaches à véler. Mmh. Donc, c'est des gants qui remontent jusqu'à l'épaule, qui nous permettent de mettre le bras dans l'eau sans se faire piquer. Parce qu'effectivement, on devient plus sensible plus on se fait piquer. C'est l'anaphylaxie. Donc, ça a été découvert au début du XXe siècle. Mmh. Et c'est l'inverse du vaccin, c'est-à-dire que quand on est vacciné, ensuite on s'immunise, et bien avec les méduses, quand on se fait piquer, on est de plus en plus sensible, ouais. Et c'est ça qui est dangereux. Et la deuxième chose à laquelle il faut faire attention quand on travaille au quotidien avec des méduses, c'est de ne pas en avaler, oui. Tout simplement parce que lorsque l'on siphonne, mais il y a des mauvaises pratiques qui consistent à siphonner à la bouche en aspirant par le tuyau, et j'ai une ancienne collègue qui a comme ça avalé une méduse. Elle a avalé une méduse, carrément, votre collègue, mais c'était une toute petite méduse alors, une j'imagine. Une petite méduse, en plus faiblement urticante, heureusement, ouais. Mais ça a quand même brûlé les tissus de sa gorge. Et donc sa gorge a enflé et depuis ce jour-là, elle était allergique. Elle pouvait plus mettre la main dans l'eau à côté des méduses. Donc il fallait qu'elle mette des gants tout le temps. Ouais, donc aujourd'hui, elle peut encore s'occuper des méduses ou elle reste éloignée des bassins de l'aquarium du Trocadéro de. Avec des gants, elle peut. Elle peut quand même s'en approcher. Alors c'était pas à l'aquarium du Trocadéro qu'elle a avalé la méduse. Précisons ça. Alors ces méduses, quand même, prenons le temps un peu de s'intéresser à l'animal en lui-même. Pas vraiment d'intelligence, même. Alors, un système nerveux, mais pas de cerveau à proprement parler. Ce sont des organismes à la fois très robustes, d'une capacité d'adaptation très importante, mais en même temps très primitifs. Enfin, je ne sais pas si on peut employer ce terme de primitif, puisqu'elles ont évolué autant que nous hein, pour arriver à l'époque où nous nous trouvons. Ce sont des animaux très simples. Voilà, donc les méduses, pour la décrire, c'est facile du coup, parce que il y a l'ombrelle, hein, le chapeau de la méduse. Ensuite, sur celle-ci qu'on a sur le plateau, donc il y a des bras buccaux qui sont au nombre de 8. Et alors, cette méduse est dépourvue de tentacules. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle ne pique pas. Toutes les méduses de cette famille, les Rhizostomae, sont dépourvues de tentacules. Mais si elle en avait, elle serait sur le pourtour de l'ombrelle. Et donc, c'est des longs filaments très fins qui peuvent mesurer jusqu'à 30 mètres de long. Donc, voilà l'anatomie de la méduse. Ensuite, au niveau des organes, effectivement, elle n'a pas de cœur. Elle n'a pas de poumons. Elle respire ni de branchies. Hein, elle respire par diffusion. Donc, c'est l'oxygène qui passe directement à travers la peau. Et elle n'a pas de cerveau. Elle a des muscles quand même pour pouvoir nager. Bien sûr, elle a des muscles. Nager. Mais elle décide pas vraiment, c'est pas vraiment une nage active. D'ailleurs, dans vos aquariums, ce sont des aquariums circulaires avec, ça tourne lentement, une sorte de courant perpétuel, un peu comme le tambour d'une machine à laver qui tournerait au ralenti. Parce qu'il leur faut un courant perpétuel, en fait. Elles n'ont pas vraiment une nage active, ces méduses. Oui, les méduses font partie du plancton. Et la définition du plancton, c'est les organismes qui se laissent porter par le courant. Donc effectivement, alors ça peut être petit, comme du zooplancton, généralement voilà des copépodes, des petites crevettes, mais ça peut être très gros. Hein, les méduses qui mesurent 30 mètres de long font partie du plancton. Souvent plancton, on imagine que c'est petit, mais non. La définition, c'est que ça ne nage pas contre le courant. Ouais. À l'inverse du necton, donc les poissons, les tortues qui savent nager contre le courant. Donc les méduses ont besoin d'être portées par le courant, et c'est pourquoi on les présente dans des bassins cylindriques, un peu comme des tambours de machine à laver. Donc il y a un courant qui leur permet d'être toujours en suspension dans l'eau. Mais autrement dit, elles ne décident rien. Déjà, elles n'ont pas de cerveau. Ensuite, c'est pas elles qui décident comment elles nagent et où elles vont. Donc, quand elles nous piquent sous l'eau, c'est par hasard. C'est nous, en fait, qui allons à leur rencontre, mais elles n'ont jamais la volonté, elles ne se dirigent jamais vers leur victime, d'une certaine manière. Effectivement, c'est souvent des choses qu'on entend à l'aquarium, des visiteurs qui disent « oui, un jour, une méduse m'a attaqué ». Bon, on essaye de corriger le tir un peu, on leur dit « mais écoutez, en fait, les méduses font partie du plancton, se laissent porter par le courant, donc soit le courant les a amenés vers vous, soit vous êtes allé vers la méduse. Les méduses ne nagent pas vers les baigneurs, ne piquent pas de façon intentionnelle ». Alors on l'a compris, elles se portent bien ces méduses dans les océans du monde. On parle même de risque de gélification des océans sans poissons avec seulement des méduses. Serait-ce possible et pourquoi la surpêche ne menace les poissons et pas les méduses? C'est ce que nous allons voir avec vous, Guillaume Éveillard, dans un instant. Señalado. Esto está encendido, na na na. Esto está encendido, na na na. C'était Haute Couture de Rosalia sur France Inter. Ça ne se voit pas sur son visage, mais Takeshi est soucieux. Ce matin, il a prié les dieux pour qu'ils lui viennent en aide. Depuis plusieurs années, à chaque automne, ses filets sont envahis d'intrus. Une heure pour les relever et Takeshi peut découvrir si sa prière a été écoutée. Mais une fois encore, au milieu des poissons, des méduses par centaines. Des méduses d'échizènes, des méduses géantes. D'abord, on doit écarter du filet les méduses qui flottent dessus. Ensuite, il faut retirer aussi vite que possible les poissons pour les mettre dans la glace. Sinon, ils s'abîment à cause du poison de la méduse. On doit faire très vite pour retirer le poisson. La situation est vraiment préoccupante. Les poissons s'échappent du filet avec les méduses. On en perd beaucoup. Nous étions au large du Japon avec ce pêcheur japonais. Ça devient compliqué à certains endroits dans les mers du globe de pêcher, Guillaume Éveillard. On remonte surtout des méduses dans ces filets. Oui, malheureusement, ça risque d'arriver de plus en plus à cause de la surpêche. Donc quand il y a moins de poissons, la nature ayant horreur du vide, et bien d'autres organismes apparaissent et les méduses sont des très bons candidats. Donc c'est un cas d'ailleurs qui est arrivé dans la baie de Liaodong en Chine, dans la mer de Bohai, où là 80% des poissons étaient pêchés et donc les méduses ont proliféré. Alors il s'agit d'une espèce qui est comestible, qui s'appelle Ropilema esculentum, esculentum qui vient du latin qui veut dire excellent, donc c'est des méduses qui sont consommées par les Chinois et par les Japonais. D'ailleurs ils en pêchent, hein, 400 000 tonnes de méduses sont pêchées chaque année. Pour la consommation humaine. Mais ces méduses ont proliféré dans cette baie parce que les poissons ont été surpêchés. Et bon, ça, dans ce cas-là, les Chinois en ont profité pour les pêcher, pour les consommer. Mais ce n'est pas le cas de toutes les méduses. Toutes les méduses ne se mangent pas. Et malheureusement, les méduses prolifèrent. Alors les méduses, c'est un bon marqueur, comme disent les scientifiques, de l'état des océans. Parce que ça renseigne un peu des différentes pressions qui pèsent sur les écosystèmes. Tout à fait, c'est un marqueur de la mauvaise santé des océans. Donc dès qu'il y a de la surpêche, de la pollution, alors l'eutrophisation aussi, donc quand on parle d'eutrophisation, c'est les engrais, quand il y a des engrais qui sont sur la côte, qui sont rejetés en mer, des nitrates, etc. On a plus de phytoplancton, donc plus de zooplancton, donc plus de nourriture pour les méduses. Donc la pollution favorise aussi l'apparition des méduses. Enfin. Mais alors cette idée, parce qu'on l'entend dire, hein, certaines études ont même été jusqu'à dire qu'en chiffrant, en 2048, voilà, il n'y aurait plus aucun poisson dans les océans et que les océans auraient été entièrement gélifiés avec une population de méduses, avec plusieurs espèces de méduses, mais uniquement des méduses comme ça a été le cas par le passé, si on remonte très longtemps en arrière dans l'histoire des océans. Ça, c'est une peur qui est envisageable, qui est fondée. Oui, tout à fait. C'est une étude qui était parue dans Nature, qui est très sérieuse, qui disait donc qu'en 2048, il pourrait ne plus y avoir de poissons dans les océans. Et effectivement, c'est comme ça que la vie est apparue sur Terre. Et à l'ère primaire, il n'y avait que des cnidaires, donc des méduses notamment. Donc il y a des scientifiques qui prédisent un retour à l'ère primaire, donc un océan peuplé comme ça de méduses. Mais elles se sentiraient pas trop seules. Elles se nourrissent de quoi, ces méduses? Sans poissons, elles n'ont pas. Il va pas leur manquer quelque chose? Ça va pas déséquilibrer l'écosystème? Elles peuvent se passer totalement des autres êtres vivants qui occupent les océans? Alors les méduses se nourrissent à 80-90% de zooplancton, donc on parle surtout de copépodes. C'est des toutes petites crustacés en fait qui sont donc le repas quotidien des méduses, mais elles se nourrissent aussi d'œufs de poissons et de larves de poissons. Et c'est ça le problème, c'est que plus il y a de méduses, moins il y a de poissons aussi. Parce que les méduses sont prédatrices, non pas des poissons adultes, hein, mais sont prédatrices des larves de poissons. Et parfois, ça c'est même plus que l'impact de la pêche. C'est-à-dire que les méduses sont capables de pêcher plus de méduses que les hommes encore. Oui, c'est-à-dire, oui, plus de poissons. De poissons, voilà, c'est ça. Plus de poissons que les hommes. Et vous les considérez comme des espèces envahissantes, ces méduses, même si vous les aimez terriblement à la fois? Oui, alors moi je les aime beaucoup en aquarium, et d'ailleurs les visiteurs aussi, parce que c'est comme ça qu'on peut les voir sans se faire piquer, puis ouais. c'est magnifique, c'est médusant. Ouais. Après, bon, c'est vrai que c'est un marqueur de la mauvaise santé des océans. Ouais. Donc espèce envahissante. Je vous présente Hugo Struna, qui s'est intéressé lui aussi à des espèces envahissantes. Bonjour Hugo. Bonjour Daniel. Vous êtes journaliste à Vigie Nature, programme de sciences participatives du Muséum National d'Histoire Naturelle. Comme toutes les semaines, vous nous plongez dans les sons de nature qui étudient les scientifiques du muséum, et donc aujourd'hui on s'intéresse aux espèces envahissantes. Alors vous avez tous au moins déjà entendu parler du frelon asiatique, du moustique tigre, peut-être moins de l'écrevisse de Louisiane ou de la renouée du Japon. Ces jolis noms exotiques renvoient tous à des espèces dites envahissantes. Il y en a une quarantaine reconnues à l'échelle de l'Europe. Elles ont été importées volontairement ou involontairement et peuvent se montrer très très agressives vis-à-vis des espèces indigènes. Il faut savoir que les invasions biologiques sont l'un des premiers facteurs d'érosion de la biodiversité mondiale. C'est donc du sérieux. Et les régions d'outre-mer seraient les plus touchés, particulièrement touchés? Oui, dans les îles tropicales où la biodiversité est dense, le taux d'endémisme élevé, ces envahisseurs posent de graves problèmes. La Nouvelle-Calédonie ne fait pas exception. Parmi les 100 espèces exotiques considérées comme les plus envahissantes au monde, 36 sont présentes dans l'archipel français. Alors l'une d'elles est en train de rendre les forêts silencieuses. Oui, c'est ce qu'a constaté Amandine Gasque lors de sa thèse en acoustique au muséum. En enregistrant des grillons en pleine nuit dans les forêts de Nouvelle-Calédonie, la chercheuse s'est rendue compte que certaines d'entre elles étaient devenues étrangement silencieuses. Écoutez bien, nous sommes là dans une forêt en bonne santé. On y distingue 4 espèces de grillons, une sauterelle. Et nous voilà maintenant dans une autre forêt à la même heure. Et alors le contraste est saisissant. On y perçoit un lointain duo de grillons et c'est tout. En réalité, la forêt s'est pratiquement tue. Et alors à quoi est-ce dû? Déboisement, pollution quelconque? Ah, vous me voyez venir, Daniel. Ouais. Le responsable n'est autre que la fourmi Vasmania aeropunctata. Cette petite bête d'un millimètre de long fait partie des espèces les plus envahissantes sur la planète, importée accidentellement en Nouvelle-Calédonie dans les années 1960. Elle ne fait depuis qu'étendre son territoire. Alors c'est elle qui s'en prend aux grillons et aux sauterelles, cette petite fourmi? Oui, et pas seulement. Hein, voracité, occupation des habitats au sol, la fourmi affecte toute la faune. C'est simple, lorsqu'elle est présente, seuls 1% des autres fourmis survivent. Les grillons sont partiellement décimés. Seuls ceux que l'on entend encore, des espèces vivant en hauteur sur la canopée, s'en sortent à peu près, d'où ce silence pesant. Et avec l'homme? Et elle s'en prend même aux humains. Sa piqûre qui donne la sensation d'une petite décharge électrique lui a valu son surnom, la fourmi électrique ou petite fourmi de feu. L'acoustique permet donc de détecter indirectement la présence de cette fourmi. Oui, ce qui est très pratique car comme beaucoup d'espèces invasives, la fourmi est très difficile à suivre. Là, il suffit de constater l'absence de chanteur pour la démasquer. Ça demande peu de moyens techniques, si ce n'est un enregistreur. À terme, Amandine et son équipe aimeraient utiliser l'acoustique pour mesurer plus précisément le degré d'invasion, de restauration et éventuellement pour prédire de nouvelles invasions. Mais pour l'instant, aucune méthode efficace n'a pu endiguer l'inexorable expansion de la petite fourmi de feu. Il faut dire que ces espèces invasives sont particulièrement résistantes. Alors d'autres chercheurs en acoustique, Hugo, étudient leur réception des sons. Oui, alors je vous parlais il y a 2 semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, de pollution sonore aquatique. L'équipe de Vincent Médoc à Saint-Étienne étudie justement l'impact des pollutions sonores sur les poissons d'eau douce. Ils viennent de réaliser une expérience intéressante. Ils ont soumis des perches soleil, espèces envahissantes dans de nombreux lacs et rivières, à des bruits de moteurs que l'on entend. Et il semblerait qu'elles tolèrent mieux ces nuisances que les espèces natives. C'est ce qui pourrait expliquer leur capacité à coloniser efficacement les milieux. Oui, notamment. On savait que les poissons envahissants résistaient à des conditions inhospitalières en termes de température, de salinité, etc. On sait désormais qu'ils peuvent s'accommoder des pollutions sonores. Voilà, Daniel, 2 exemples de ce que peut nous apporter l'acoustique dans la compréhension des invasions biologiques, des études qui devraient s'intensifier avec l'augmentation des échanges internationaux et le changement climatique. Les espèces exotiques envahissantes n'ont pas fini de faire parler d'elles. Et nous pouvons, nous aussi, contribuer à la surveillance de ces espèces envahissantes. Oui, j'en profite. Le Muséum National d'Histoire Naturelle vous propose de signaler les espèces invasives croisées sur votre chemin. Parmi elles, la punaise diabolique, la dernière à avoir défrayé la chronique, le frelon asiatique, bien sûr, l'écureuil roux, entre autres. Et il y a même des grands mammifères considérés comme invasifs. Et oui, tels que le moonjack de rive. Je suis sûr que vous n'en avez jamais entendu parler, d'ailleurs. Non, jamais. Je vois pas du tout ce que c'est. C'est un cervidé Il ressemble à un petit chevreuil trapu au pelage plus sombre. Il a été importé d'Asie à la fin du 19e siècle pour alimenter... C'est lui qu'on entend là derrière ? Tout à fait, voilà. Ah oui. Il a été importé donc au 19e siècle pour alimenter les zoos aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Quelques individus se sont échappés, classique. Résultat, il s'est installé dans toute l'Europe. En France, il a simplement été aperçu dans les forêts du Loir-et-Cher et dans les Côtes d'Armor. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le cerf aboyeur. Vous aurez deviné pourquoi. Ouais. Ça ressemble plus à un coq un peu, un coq enroué, moi je trouve. Un coq qui aboie, ouais, et qui ressemble à un cerf. Si vous apercevez donc une de ces espèces, signalez-la en quelques clics avec une photo. Vous trouverez la liste complète, les descriptions et le formulaire de saisie sur le site EEE, comme espèces exotiques envahissantes, .mnhn.fr. Et on va mettre ça en lien sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Merci Hugo Struna, et à la semaine prochaine. Guillaume Éveillard, une réaction à ces espèces invasives. Vous, biologiste marin, est-ce qu'il y a aussi des espèces invasives dans les océans? Je ne sais pas d'ailleurs si les méduses, on peut vraiment les considérer comme des espèces invasives, parce qu'elles n'ont pas vraiment migré, elles prennent juste toute la place, mais elles n'ont pas vraiment changé de lieu. Alors, il y a une espèce de cténaire, donc ce n'est pas un cnidaire, ça ressemble énormément à une méduse, mais ça ne pique pas, qu'on appelle Mnemiopsis leidi, et qui est envahissante, effectivement, parce qu'elle vient de la côte est des États-Unis. Elle a été apportée par les ballastes des navires jusqu'en France, et on la retrouve actuellement sur les côtes, et il faut la signaler. D'ailleurs, si on la voit, il faut faire des signalements. Donc là, d'ailleurs, j'en ai vu dans le port à La Rochelle, et j'ai fait un signalement. Donc c'est important de signaler l'apparition de ce cténaire envahissant. Et pour rebondir sur ces sons de nature que Hugo nous fait écouter chaque semaine, les méduses n'ont ni d'oreilles, ni n'émettent de son, elles sont parfaitement muettes. Alors oui, les méduses sont muettes, ouais. N'émettent pas de son. Ce qu'elles peuvent faire, c'est voir. Elles ont des yeux primitifs, donc qui sont compris dans un organe de la méduse, et qu'on appelle la ropalie. Donc il y en a 4, 8 ou 16. Celle-ci en a 8, par exemple, c'est les méduses celle qui est, sur le plateau. Ouais, celle voilà. Qui est devant vous, qui est toute petite, un marron avec ses petites taches blanches, et qui nage depuis le début de cette émission à vos côtés, une petite dizaine dans cette colonne d'eau que vous nous avez apportée. Donc elle nous voit. Elle nous voit, tenons-nous bien. Dans un instant, Guillaume Éveillard, vous allez répondre aux questions des auditeurs sur les méduses, puis vous nous direz quelle est la bonne attitude à avoir quand on se fait piquer par une méduse. D'accord. Les plus grands sages disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre. C'est peut-être la débilité, mais j'ai jamais voulu la vie tranquille de quiconque. Petit, j'avais pas trop sommeil. Mourir au sommet comme King Kong, le seul rêve qui compte. Mais pourquoi moi? Pourquoi je serais différent des autres? Mon seul don, c'est vouloir être différent des autres. Et pour ça, j'ai la rage de vaincre, la rage d'être le meilleur sur la page de fin. Si jamais ça marche, je pars plus comme une tache de vin. Oh, j'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux, toujours à crier comme un connard morceau. Sauf que maintenant, j'ai plus 19 ans, et je crois bien que les gens bizarres du showbiz disent que mes disques se vendent. Yes, concert complet dans toutes les villes de France. On était déjà passé par là en van. Sur scène, je donne tout, j'en ai 2000 devant. Mais je suis toujours mal à l'aise quand je parle à un fan. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'air. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant. Seul à 3h du mat, dans un bar on peut reconnaître pâle. Sous ma poitrine c'est plus froid qu'en Islande. Dans mon caleçon c'est plus chaud qu'au Népal. Je fais que des connes, pardon. Chaque semaine je couche avec une nouvelle fille que je connais pas. Est-ce que j'essaie de me venger? Me venger de toutes ces années où je plaisais moins aux filles que les mecs dérangés. Où je me sentais partout étranger. Où je servais qu'à nourrir leur ego quand c'est pétasse. Ouais, aujourd'hui c'est moi qui monte les étages. Ouais, bon d'accord, j'étais consentant quand je rentrais dans leur spirale. C'était toujours mieux que d'être invisible. Maintenant je ressens plus rien, je m'intéresse plus qu'à leur physique. Et tous les soirs le diable me rend visite. Fini les grosses gars, trop fausses gamins, j'étais tellement bête. Je veux un Oscar pour chaque film que je me suis fait dans la tête. Merde, avant j'étais un peu froid, maintenant je le suis complètement. C'est trop tard pour combler le manque. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant. Évidemment. tellement que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'air. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant, ouais? Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant. C'était évidemment l'homme pâle sur France Inter. Une cuillère à café de sucre. Une cuillère à soupe de sauce d'huître pour donner un petit goût salé. Une cuillère de sauce de soja pour équilibrer le tout. Et aussi un peu d'huile de sésame pour parfumer. En plus, c'est bon pour le cœur. Pour finir, on décore avec des piments rouges. Ça va mettre de la couleur. Et voici les méduses à l'huile de sésame. C'est très bon. C'est assez assaisonné pour toi? Oui, c'est délicieux. Et en plus, c'est bon pour la santé. Ces braves méduses, ils sont vraiment excellents. Et voilà une recette thaïlandaise de méduses. Il va peut-être falloir s'y habituer, Guillaume Éveillard, puisque vous nous avez dit que, au rythme où vont les choses, certains envisagent que les poissons dépeuplent totalement les océans et que bientôt il n'y ait plus que des méduses en quantité. Certains les pêchent déjà pour les manger. Vous en avez déjà mangé, vous, Guillaume Éveillard, des méduses? Oui, j'en ai mangé sous différentes formes d'ailleurs, puisqu'à l'aquarium de Kamo au Japon, on en consomme beaucoup. Donc j'en ai mangé en soupe, j'en ai mangé en salade, en glace même, en gâteau. C'est bon? Alors, c'est croquant, un peu croquant. Élastique. Ah oui. Voilà. On n'imagine pas ça croquant, on imagine ça plutôt mou pour le coup. Alors, ça peut se manger séché, donc à ce moment-là, c'est croquant. Donc, quand c'est sous forme de soupe, c'est plutôt élastique. La consistance est intéressante. Ouais. Voilà. Le goût n'est pas. Il n'y a pas de goût, en fait. Ça a le goût de la sauce, mais la consistance est sympa. Mais ça ne doit pas être très nourrissant, parce qu'il y a quand même essentiellement de l'eau dans les méduses. 97% d'eau dans une méduse. Oui, il y a très peu de protéines, hein, donc seulement 2% de protéines. Donc, effectivement, on dirait plutôt boire une méduse que manger une méduse. Alors des questions d'auditeurs. Jérémy vous dit, les méduses ont-elles des caractéristiques biologiques pouvant intéresser la médecine? Oui, tout à fait. Alors celle à laquelle je pense, c'est la GFP, hein, donc la protéine fluorescente verte, qui est une protéine qui a été découverte dans une méduse qui s'appelle Aechorea victoria. Et qui, injecté dans un gène animal ou humain, peut faire fluorescer certaines cellules, et notamment des cellules cancéreuses. Donc c'est ce qu'on a appelé le microscope du 21e siècle, et ça permet de détecter des tumeurs chez certaines personnes. On leur prête aussi des propriétés d'immortalité. C'est justifié, cette image d'immortalité que l'on donne à certaines méduses? Alors effectivement, ça a été découvert dans une espèce de méduse en particulier, qui s'appelle la Turritopsis. Et cette méduse est surnommée la méduse immortelle puisqu'elle est capable de passer du stade adulte au stade polype, comme on disait tout à l'heure. Donc en fait, au moment où elle devrait mourir, en fait, ces cellules se réorganisent et redeviennent polypes. Donc c'est un petit peu comme si une grenouille se retransformait en têtard. Très rapidement, Marie vous demande, l'intelligence et la souffrance de ces animaux est-elle aussi étudiée et prise en compte? Alors, à ma connaissance, non, parce que ça n'a pas de cerveau. Maintenant, c'est une question intéressante. Je pense que ça vaudrait le coup de s'y pencher. Ouais. Alors, en 30 secondes, vous êtes aujourd'hui à l'aquarium de La Rochelle. Alors, il y a quelques méduses, même beaucoup de méduses qu'on peut voir dans un fameux tunnel. Racontez-nous ce qu'on peut voir à l'aquarium de La Rochelle. Oui, le tunnel est effectivement très connu parce que c'est par là que les visiteurs entrent dans l'aquarium. C'est un tunnel dans lequel il y a 500 méduses. Il fait 80 000 litres d'eau et donc ce sont des méduses lunes. La méduse la plus commune, qui est superbe, qui est magnifique, parce que là, c'est une espèce de trèfle à quatre feuilles là au centre de son ombrelle. Et donc voilà, quand on rentre dans l'aquarium, il y a des méduses à nos pieds, des méduses au plafond, donc c'est absolument magique. À voir à l'aquarium de La Rochelle. Je vous ai pas demandé, alors en 10 secondes, qu'est-ce qu'on fait si on se fait piquer par une méduse? Alors, ne pas uriner dessus, déjà, parce que ça, c'est une légende urbaine. Ouais. Mais ce qu'il faut faire, c'est laver avec de l'eau de mer, rincer à l'eau de mer. Surtout pas d'eau douce, parce que ça empire, en fait, ça brûle encore plus. Ouais. Donc voilà, rincer à l'eau de mer et puis aller consulter un médecin. Merci Guillaume Éveillard. Je vous présente notre invité de la deuxième heure qui s'est assis à côté de vous. Bonjour Gérard Guerrier. Bonjour. Alors vous avez été entre autres ingénieur plongeur, accompagnateur en montagne, pilote de deltaplane, écrivain voyageur et vous venez de publier aux éditions Guérin Éloge de la peur, un livre dans lequel vous vous interrogez sur la place et le rôle de la peur chez les aventuriers et les sportifs extrêmes. Un sujet évidemment qui nous intéresse dans le temps d'un bivouac. On va avoir le fruit de vos réflexions dans un instant.